Je voudrais me faire remarquer, je veux être dans le livre des records, avec cette chanson à chier, avec cette chanson hardcore, avec cette chanson pas très fine, avec cette chanson immonde. Elle ne va pas plaire à Christine, la chanson la plus sale du monde. Oui, je me complais dans l'obscène, tu en connais peut-être la cause. C'est pas fantastique, mais moi j'aime, j'y vais, c'est parti, et on ta chatte humide et bien verte, j'y enfonce violemment ma pine, ça glisse bien grâce à tes pertes. Ça ne plaît déjà pas à Christine, ton trou du cul plein de fistules. Mais que c'était toi, tu te débines, je te rattrape et je t'encule. Ça ne plaît toujours pas à Christine. L'hiver est le moment propice aux épidémies de gastro, et je découvre avec délice que suinte le caca. Et c'est beau, j'en avais les mensurations. Maintenant j'ai aussi la couleur des noirs membres des talons. Affligée, Christine est en pleurs. Christine, elle a toujours rêvé d'avoir un amoureux poète, poli et bien intentionné. Le genre qui fait dans la dentelle, genre qui ne fait pas rimer amour avec viens ici que je te bourre. Genre qui ne fait pas rimer tendresse avec vas-y donne-moi. Et c'est comme ça, ma petite cocotte, tu sais que dans le fond, je suis une merveille. Et que dans le fond de mon shorty, de monstrueuses couilles au sommeil, surplombées par un engin qui ferait pâlir un mammouth. Et c'est un argument de taille quand en toi s'installe le doute. Cette chanson qui à la base devait être un cloaque infâme n'est pas si terrible que ça. Elle révèle ma grandeur d'âme, car plutôt que des phrases bêtes, enchaînement de sales rimes, j'ai réfléchi avec ma tête, et ça, ça va plaire à Christine. Car plus que des phrases bêtes, enchaînement de sales rimes, j'ai réfléchi avec ma tête, et ça, ça va plaire à Christine, j'imagine. Ce serait sa fête et qu'il veut lui offrir une...